Si un jour tu décidais de me faire un enfant, par amour, grâce au hasard ou par simple accident, je serais le plus ému, le plus heureux des pères. J'aurais une raison de plus de rester sur terre. Ce petit déjà, à travers toi je l'aimerais. Tes envies, tes angoisses, je les partagerai. Toutes ces heures et ces mois d'impatience, on les vivra dans le bonheur de savoir que bientôt nous serons trois. Un enfant ensemble, avec de grands yeux, et qui te ressemble, un cadeau des cieux. Je n'aurai de cesse de le protéger. S'il te plaît, princesse, fais-moi un bébé. Un cri, il nous arrivera. Je crois bien que plus rien d'autre ne m'importera. De pouvoir le consoler, le couvrir de baisers, c'est l'espoir que je te demande de réaliser. Un enfant ensemble, avec de grands yeux, et qui te ressemble, un cadeau des cieux. Je n'aurai de cesse de le protéger. S'il te plaît, princesse, bébé. Seulement un homme a le droit de pleurer, ce sera à la naissance de son premier bébé. Ma chérie, si tu voulais me donner cette chance, toute ma vie je t'étoufferai de reconnaissance. Un enfant ensemble, avec de grands yeux, et qui te ressemble, un cadeau des cieux. Je n'aurai de cesse de le protéger. S'il te plaît, princesse, bébé. S'il te plaît, princesse, fais-moi un bébé.